L'alligator est un crocodilien de la famille des Alligatoridae, mesurant environ 4 mètres et pesant en moyenne 360 kg. Celui de Lemmistig est un peu plus gros que ça. Aujourd'hui, on parle de l'incroyable alligator. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, nouveau podcast, mais même vieux collaborateur, puisque je suis avec Chris, bonjour. Oui, exactement. Alors, je ne sais pas si vieux est vraiment un terme qui nous colle à la peau. Non, mais vieux au sens, on te connaît, quoi. Tu fais partie du décor. On fait partie des meubles, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est de plus en plus flatteur au fur et à mesure que ça avance. Comment vas-tu ? Écoute, ça me fait très plaisir d'enregistrer, parce que mine de rien, ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré. Il y a eu le temps de lancer, et c'est vrai que j'ai eu un mois d'octobre assez chargé, donc c'est un peu de ma faute, mais c'est le temps bon, de tout faute, mettre en faute, place aussi. C'est pas de ta faute, c'est la faute du festival du cinéma coréen. C'est vrai, il y a voilà. Eu le FFCP, c'était vachement bien, mais il n'y avait pas de film d'attaque animale, hélas. Et c'est à cause de Troublesome Night aussi, mais bon, ça c'est... Seuls les vrais, ça ouais. Là, il y avait un chien qui attaquait dans le 8e à un moment. Est-ce que ça suffit à le rajouter ? Je ne sais pas. Et donc, ça me fait d'autant plus plaisir d'être là, parce que bah, c'est le nouveau projet, enfin, depuis le temps qu'on l'annonce, qu'on le tease, qu'on en parle. Il est là. Oui, le voilà. Le podcast d'Attaque Animale. Entre nous, ça faisait un bon moment qu'on en parlait. Oui. Oui, entre nous, ça doit facilement faire une année, si ce n'est plus. Oui, c'est ça. Parce qu'on se disait justement que le vidéoclub arrivait un peu, on approchait doucement de la fin, et donc pour ralentir le rythme, ça paraissait une bonne idée d'avoir une période à deux podcasts. Donc alors, pour présenter le projet de ce podcast, il est donc consacré aux attaques animales. Nous ferons un film à chaque fois, donc toujours selon le même format, en tirant au hasard le film de la fois suivante dans une liste. Nous avons une liste préétablie qui contient un certain nombre de films, plus d'une centaine déjà, donc c'est déjà pas mal. Et là, pour le coup, contrairement au Vidéoclub, on va rendre la liste publique, on mettra un fichier avec un lien, pour que vous puissiez nous suggérer des titres éventuellement qu'on devrait ajouter. Alors comme on tire au hasard, ça, on les fera peut-être que dans des années, mais c'est histoire d'enrichir la liste, et notamment nous sommes pas mal à la recherche de films d'attaque animale non américains et non européens, parce que c'est les plus durs à trouver. Finalement, on a du mal à trouver des titres qui ne soient pas des films américains. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'au niveau Asie, c'est compliqué. Hein. On sait qu'ils existent, parce que sur IMDb ou tout autre site de recherche orienté cinéma, on les trouve. Mais encore faut-il vraiment les trouver avec sous-titres et tout, quoi. Oui, il y a cette question-là en plus. Effectivement, si vous nous suggérez un film, s'il existe, mais qu'on ne le trouve qu'en thaïlandais non sous-titré, c'est un peu embêtant pour en parler, quoi. Disons que l'anglais, oui. À la limite, on peut essayer de se débrouiller en vrai avec certaines langues latines. Espagnol, italien, je pense que ça pourrait passer. Oui, pour moi, oui, en tout cas. On ne comprendrait pas non plus à 100%, mais ça passerait. Par contre, ne nous demandez pas de parler mandarin, quoi. Bah ouais, voilà, c'est ça. C'est une vraie difficulté, en réalité. Voilà. N'hésitez pas aussi si vous avez des trucs avec des animaux un peu atypiques, parce que c'est vrai que là, dans notre liste, on a quand même certaines bestioles qui reviennent beaucoup, dont une qui va recouper avec un autre podcast qui existe depuis des années, hein, on ne va pas se mentir. Oui. Bonjour, professeur Rico. Ouais, voilà. Si, autre précision, nous allons traiter les films d'attaque animale, donc, quand ce sont des animaux, comment dire, qui existent, déjà, il faut qu'ils existent, ou s'ils ont une apparence un peu extravagante, il faut que ça soit des raisons causées par l'homme. Donc, typiquement, le film dont on va parler aujourd'hui. Ouais. Du coup, les dinosaures sont acceptés dans nos listes. Ouais. Puisque les dinosaures ont existé, c'est juste qu'ils n'existent plus, mais ils ont existé. Et par exemple, dans Jurassic Park, c'est l'homme qui les ramène à la vie. Selon la Bible, c'est pas certain, l'existence des dinosaures. Attention. Hein. c'est vrai, j'avais oublié ce petit détail, pardon. Et donc voilà, on s'est quand même fixé quelques lois. Par exemple, des gorilles, ça existe. Des gorilles qui font la taille de building, ça n'existe pas. Hein. Ça n'a jamais existé. Et donc King Kong ne peut pas être dans la liste, par exemple. Après, il y a forcément une zone de flou. Il y aura forcément une zone de flou sur ce qu'on prend ou non. Et là, bah, ce sera nous qui jugerons en parfaite dictature. Typiquement, on s'est questionné sur Godzilla, parce que tu as certains Godzilla où c'est une créature mystique qui, en fait, est là depuis des millénaires. Donc, bon, concrètement, elle n'existe pas. Mais tu en as où c'est un résultat des essais nucléaires. Ouais. Donc, mais donc qu'est-ce coup, qu'on fait ? Je crois qu'à la base, c'est quand même un dinosaure d'une espèce qui n'est pas censée exister. Voilà. Donc, ça les met peut-être plutôt dans la zone où on ne prend pas. Oui, parce que surtout, ça veut dire que le seul qu'on prendra vraiment, ce serait celui d'Emmerich. Et donc, bah... ouais, ça nous fait un peu mal au cul, quoi. Techniquement, il y a aussi celui de la période Heisei, qui est le résultat, qui est un dinosaure à la base et qui est le résultat de test. Mais ouais, je pense que c'est plutôt non pour Godzilla. Voilà, tu ne pourras pas parler de Mothra dans ce podcast. Pourtant, c'est un papillon parfaitement normal, hein, juste un peu gros, quoi. Mais voilà, bah, on va avoir pas mal de films à faire. Et en effet, comme c'est le premier épisode, là, on a choisi le film et on a cherché une œuvre qui, à la fois, ne soit pas Les Dents de la Mer, ni un des plus immenses classiques du genre, mais qui, en même temps, soit quand même représentative de certains des codes qu'on pourra retrouver dans le film d'Attaque Animale et qui nous permettra quand même d'en parler pas mal. C'est donc L'incroyable Alligator de Lewis Stieg qui a été choisi, ou Alligator tout court, pour son titre en VO. Oui, il a gagné un titre honorifique en arrivant chez nous. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, écoute. Bah, moi, je propose qu'on y aille. Bah, je pense qu'on a fait un assez beau tour d'horizon de ce qui nous attend et de ce qui vous attend. Donc, let's go! L'incroyable Alligator nous raconte l'histoire donc d'un alligator qui a été abandonné dans les égouts alors qu'il était tout bébé, mais qui n'est pas décédé, qui a grandi beaucoup pour des raisons qu'on découvrira au fur et à mesure du film, et qui commence à attaquer des gens. Et l'enquête est surtout menée par un policier, David Madison, qui croit très vite à la thèse de l'alligator alors que personne ne le croit encore, et qui va s'associer notamment à l'experte en animaux Marissa Kendall, qui va donc lui apporter son assistance pour lutter contre cet animal géant qui menace d'attaquer toute la ville de plus en plus fort. Donc un résumé classique de film d'attaque animale, hein. On retrouvera beaucoup de trucs de ce genre-là. peut pas faire plus classique, oui. Le seul truc qui manque, c'est la fête un petit peu nationale dans le lieu, quoi. Ouais, là, ça va juste être une petite réception, quoi. Voilà. Alors, pour parler vite fait de l'animal, parce que autant présenter l'alligator tel qu'il existe, puisque c'est la première fois qu'on croise cet animal, en même temps, c'est une première épisode, c'est normal. Voilà. L'alligator, c'est un bestiau qui, donc, comme je l'ai dit, mesure aux environs de 4 mètres et 360 kilos. Je crois que j'ai pris les informations de l'alligator américain. Ça peut varier selon le continent dont il est originaire, mais vu le pays où se passe le film, j'ai choisi celui-là. C'est un animal normalement plutôt craintif face à l'homme. En réalité, comme pas mal d'animaux, s'il attaque, c'est qu'on s'est approché de son nid. C'est la femelle qui attaque quand on s'approche trop de son nid et qu'elle sent qu'il y a une menace pour ses œufs ou ses enfants. Oui. D'après Wikipédia, entre 1970 et 2000, il y aurait eu seulement 9 attaques meurtrières d'alligators, aux États-Unis donc. Et 11, par contre, entre 2001 et 2006, mais c'est plutôt là une responsabilité humaine, comme souvent, encore une fois, à cause de l'excès de confiance des humains qui voulaient se la jouer en s'approchant des alligators au contact. Bah, au moment, tu fais des conneries, quoi. Oui, le début du film est d'ailleurs très évocateur de ça. Oui, voilà. Le nombre de morsures, si on compte les non-mortels, serait entre 1948 et 2011 de 224, ce qui est très peu en réalité. Oui, effectivement. Sur, sur plus de 60 ans. Et outre la morsure, en fait, un des risques qu'il y a, même si on survit à la morsure initiale, c'est les infections. Parce que, bah, évidemment, ça véhicule plein de trucs qui sont pas super bons pour nous, quand même, un alligator. Oui, et puis en général, ça vit dans des marécages, dans des eaux un peu croupies. Oui, du coup, la plaie est tout de suite touchée par des trucs dégueulasses, effectivement. Voilà. Les muscles de l'alligator sont très puissants pour refermer sa mâchoire, mais pas vraiment ceux qui permettent de l'ouvrir. Donc le truc qu'on voit des fois dans les films des gens qui maintiennent un alligator la gueule fermée à main nue, en réalité, c'est possible. Un alligator, pour ouvrir sa bouche, c'est pas si puissant. C'est pour la refermer que c'est ultra brutal. Oui, bah pour fracasser ce qu'il a dans la gueule, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, l'alligator, quel est mon rapport avec cet animal lointain? J'en prendrais pas un domestique, hein, quand même. On en a jamais croisé de notre vie, je pense. Voilà, c'est ça, donc je sais pas. Mis à part, je pourrais être très ami, mais... Mis à part dans des eaux, quoi, mais voilà. Ouais, encore, pas tout, c'est de loin, quoi. Et ça fait oui, mais oui, voilà. C'est ça. Par contre, c'est un animal très... Alors déjà, je trouve très menaçant, vraiment, visuellement, c'est pas le genre d'animal où je me dirais « tiens, je vais aller m'approcher, ça a l'air rigolo ça ». Non, non, oui. Je reste loin. C'est quand même un animal, je trouve, qui, comme beaucoup de reptiles, finalement, inspire pas mal la peur, visuellement. Ouais, mais je pense que c'est aussi lié à des clichés qu'on a dessus, pas mal. Oui, à toutes les imageries qu'on peut avoir. Après, ça a quand même une gueule bien avec des dents bien massives qui très souvent sortent, même quand elle a la gueule fermée. Oui, effectivement. Donc c'est ça aussi qui donne un petit côté inquiétant à l'animal. Mais je trouve que c'est un animal plutôt joli, visuellement. Après, au final, c'est comme beaucoup d'animaux sauvages. Hein. La plupart des animaux sauvages me donnent pas des masses envie de les approcher. C'est plus ou moins le but, tu vois. Ils vivent dans leur coin, je vis dans le mien, voilà. C'est ça, on n'est pas fait pour vivre ensemble, quoi. C'est ça, on leur fout la paix. Et ils sont très gentils dans ce cas-là. Enfin, ils nous embêtent pas, quoi. Oui, ils sont très gentils. Ils restent dans leur coin, quoi. Oui, voilà, on va dire ça. Et élevez vos petits. Mais donc, comme on le dira souvent, et c'est souvent un thème des films d'attaque animale, même si parfois c'est plus utilisé à titre de cliché qu'autre chose, les animaux sont pas menaçants ni dangereux en eux-mêmes. Le coût de la responsabilité humaine dans le risque que représentent les animaux est quand même un code extrêmement récurrent des films d'attaque animale. Oui. Et c'est plus ou moins vrai. En réalité, les animaux sauvages attaquent très rarement sans raison. Oui. Mais donc, si on n'a rien à ajouter sur l'animal, on va pouvoir passer au film en lui-même. Mm-hmm. Le projet de l'incroyable alligator est annoncé par son producteur, Brandon Chase, dès 1976, donc 4 ans avant la sortie originale. C'est inspiré par des légendes urbaines sur des alligators qui vivraient dans les égouts après avoir été abandonnés par leur propriétaire, qui les aurait lâchés dans les toilettes en se rendant compte qu'ils grandissaient un peu trop. A priori, c'est réellement arrivé à New York dans les années 60-70, évidemment sans jamais atteindre ses proportions de danger. Brandon Chase avait rencontré un certain succès avec le film L'invasion des araignées géantes en 1975, ce qui nous laisse dire qu'il y avait une manne à exploiter avec les attaques d'animaux géants. Et autant il y avait 300 000 dollars pour le film des araignées réalisé par Reban, autant là il prévoit d'en dépenser 1,8 pour l'incroyable Alligator, dont 100 000 destinés exclusivement à l'animal. Donc ça reste un petit budget, même un très petit budget, mais à son échelle il avait mis les petits plats dans les grands. Effectivement. Le réalisateur qui est finalement choisi, on en a déjà parlé puisque c'est Lewis Teague et on en a déjà parlé dans le vidéoclub de Castle Rock puisqu'il est le réalisateur de Cujo, adapté de King. Quelques années plus tard, ouais. Ouais, mais on peut revenir sur son début de carrière. Il a fait des études à la New York University et découvre les cinéastes qu'il cite comme ses inspirations. Inspirations qui sont, à mon humble avis, moyennement flagrantes dans L'Incroyable Alligator puisqu'il cite Truffaut, Godard et Rivette. Oh. Voilà, ça se sent pas, tu vois, ça se sent pas trop. Il étudie dans la même promo que Martin Scorsese, et c'est Scorsese qui, après que Teague ait travaillé sur The Alfred Hitchcock Hour, va le recommander à Roger Corman. Et Teague travaille plusieurs années pour le producteur-réalisateur dans les années 70, allant à différents postes, et tel qu'il le dira, c'est ce qui va lui apprendre à utiliser au maximum son budget et à travailler vite et à être plutôt multitâche. Par exemple, il est assistant réalisateur et monteur, je crois, sur La course à la mort de l'an 2000, qui est un film plutôt sympatoche. Oui. En 1974, il co-réalise un film appelé Dirty O'Neill, mais sa carrière se lance vraiment en tant que réalisateur seul après sa période vers la fin de sa période chez Roger Corman, pardon, avec un film appelé Lady in Red, du rouge pour un truand, pour le titre français. Et donc son très, très premier bien. Long métrage seul. Tu ne l'as pas vu, je te le conseille, c'est un très très bon film. Non, je ne l'ai pas vu, mais je crois que ça vient de ressortir, je ne sais plus chez qui. Bah, chez Carlotta. Ah bah, c'est chez Carlotta, voilà. Donc L'Incroyable Alligator, c'est son deuxième film réalisé seul, et il faudra que je voie ce premier. Avant l'arrivée de Lewis Teague, il y avait déjà eu un script qui avait été écrit par le scénariste Frank Ray Perilli, mais Teague n'aime pas du tout le scénario original et il va demander à John Sayles, avec qui il avait travaillé sur Lady in Red, de réécrire complètement le script. Et Perilli restera tout de même mentionné à l'histoire originale au générique. De ce que dit Sayles, le premier scénario ne faisait à peu près jamais sortir l'alligator des égouts. Il devenait géant après avoir consommé de l'alcool. Pourquoi pas? Oui, c'était la levure... de l'alcool qui aurait dû le faire grossir. Et le final se passait dans une scierie abandonnée, mais où le courant aurait été encore actif et l'alligator serait mort découpé par une scie. Sayles a l'idée d'amener une thématique un peu plus sociale via la thématique déjà des alligators jetés dans les égouts et les sociétés déversant des produits toxiques et toutes les combines qu'il y a entre politiciens et grands groupes pharmaceutiques et grands groupes capitalistes. Le projet de Sayles, c'était vraiment que l'alligator progresse à travers l'échelle sociale au cours de son massacre, commençant dans les égouts, montant dans le ghetto ensuite, puis arrivant jusqu'au quartier riche. Le souci, c'est que la nécessité d'aller vite et de tourner à bas budget va forcer à enlever pas mal de scènes et rend cette progression assez difficile à lire, du moins sur le plan social, même si elle est un peu présente quand on le sait. Effectivement, la première attaque en ville, c'est dans un quartier pauvre, et il finit dans une réception riche. Oui. En tant que scénariste, Sayles, à l'époque, il bossait avec Joe Dante, puisqu'il est scénariste d'un autre film d'attaque animale, Piranha, en 78, et en 81, de Hurlement, qui lui ne rentre pas dans le corpus, parce que les loups-garous, a priori, n'existent pas. A priori, jusqu'à preuve du contraire. Il va falloir enquêter. On est ouvert aux suggestions et aux preuves. Hein. Pareil sur le Yeti, si vous avez les preuves définitives... Mais par contre, ça n'empêche qu'on peut conseiller Hurlement, c'est vraiment un très bon film. Oui, là, pour le coup, c'est un très chouette film. Il est aussi le scénariste des Mercenaires de l'espace de Jimmy T. Murakami, qui est plutôt sympa et qui sort la même année qu'Alligator, qui est un film de science-fiction avec des fonds américains, mais tourné au Japon. Enfin, c'est plutôt sympa, les Mercenaires de l'espace. Il me semble que c'est également ressorti chez Carlotta. Oui, oui, je crois. C'est un de ceux où ils avaient fait une édition un peu boîtier, sympa. Ouais, si je ouais, me ouais c'est celle-là. C'est celle que j'ai chopée. Un film très sympa, qui a pris un petit coup de vieux, mais tu sens la patine Star Warsienne. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il va continuer à scénariser un peu par d'autres, mais il se tourne assez vite vers la réalisation, comme plutôt que vers le scénario. Alors, il scénarise ses propres films, et il a été pas mal actif. Et là, attention, univers étendu et tout, parce qu'un des acteurs avec qui il a pas mal tourné, c'est l'acteur David Strathairn. Et donc, John Sayles, on réévoquera son nom dans notre autre podcast, puisque David Strathairn joue dans Dolores Claiborne. C'est beau, bon, les coïncidences, quand même. Voilà. Hein. Ah oui, effectivement. Je n'ai vu aucun de ses films en tant que réal, mais il a été nommé 2 fois aux Oscars pour les scénarios qu'il a écrits. Quand les Wistig arrivent sur le film, l'alligator était déjà en cours de construction. Il nécessite 2 hommes à l'intérieur pour le faire bouger. Et Tig, qui avait entendu parler de ce qui s'était passé sur les Dents de la Mer avec le requin qui n'était pas assez crédible et qu'on ne faisait pas apparaître beaucoup, était très dubitatif, mais il était plus temps de faire demi-tour au moment où il arrive. Et les premiers essais, en effet, vont être peu concluants. L'alligator ne fait pas peur et c'est pourquoi Tig, qui va quand même tenter de mettre des scènes horrifiques, même si lui dit qu'elles sont pas très efficaces, décide au final de donner une orientation plus comique et légère au film afin que le côté peu crédible de l'alligator n'ait qu'une importance assez modérée, en fait. Et comme je l'ai dit, les limites de l'alligator tel qu'il était en costume conduiront aussi à l'abandon de certaines scènes. Et des fois, il y a des véritables animaux qui sont filmés dans des miniatures pour certains plans. Oui. Sales signale aussi que c'est difficile de faire vraiment peur avec un alligator, à part dans des environnements spécifiques et clos, puisque c'est un animal globalement lent, en fait, qui n'accélère que quand il a vraiment une cible. Sinon, ça bouge lentement, voire pas du tout. Oui. Le coordinateur des effets spéciaux, c'est Richard Elmer. Il a bossé sur plein de films, mais à différents postes. Par exemple, à l'époque, il sortait d'Apocalypse Now, et par la suite, il sera sur Jeux d'enfants ou sur Captain Sky, pour les films que j'ai vus. Aux effets spéciaux de maquillage, on peut mentionner Robert Short, qui par la suite travaillera sur Night Flyers, mais aussi sur Beetlejuice. Mm. Et aux miniatures, il y a Bill Kaufman, et lui, je ne le trouve que sur ce film-là, selon IMDb. Voilà. D'accord. Le budget est donc d'entre 1,6 et 1,8 million de dollars selon les sources produites par Group One Films, et il rapportera quasiment 6,5 millions, ce qui est un succès modéré, mais un plutôt bon succès quand même. Et le film est tourné à Los Angeles et dans ses environs. Je mentionne alors qu'il n'est que assistant de production, donc c'est un tout petit poste, mais quelqu'un qui aura une jolie carrière par la suite, qui est même interviewé par Carlotta, puisqu'il y a Bryan Cranston, qui donc deviendra acteur assez majeur, principalement grâce à 2 séries que sont Malcolm et Breaking Bad. Oui. Il raconte qu'il a participé, entre autres, aux effets spéciaux parce qu'il s'ennuyait dans ce qu'on lui demandait de faire. Et c'est lui qui s'est occupé, par exemple, de bourrer l'alligator de différents produits qui faisaient ses entrailles pour l'explosion finale, pour un résultat que lui, comme les Wistig, juge un peu décevant, on va dire. Et apparemment, il raconte qu'il devait courir partout pour racheter des produits parce qu'il n'y en avait pas assez. Enfin, son interview est plutôt rigolote dans le bonus Carlotta, je trouve. Oui, oui, je suis d'accord. Au casting, dans le rôle principal du policier David Madison, il y a l'acteur Robert Forster, qui avait déjà eu un petit rôle dans Du Rouge pour un truand de Lévi-Stick, donc il se connaissait. C'est pas un acteur qui a eu tant de rôles principaux que ça au cinéma, et il est aussi pas mal actif à la télévision. Au début des années 70, il est l'acteur principal de la série policière Banyan. Il avait commencé sa carrière pourtant sur un film un peu prestigieux, puisque c'était Reflet dans un œil d'or de John Huston. Mais à l'époque de l'incroyable Alligator, il commençait à entrer dans une pente descendante quand même dans sa carrière. Ouais. On peut citer Delta Force de Menahem Golan avec Chuck Norris, où il joue un terroriste libanais appelé Abdul, parce qu'il a tout à fait la tête d'un terroriste libanais appelé Abdul. C'est l'époque qui veut ça. Ouais. Il a aussi un rôle important, celui du policier Max Seri dans Jackie Brown. Oui. Donc c'est le policier le principal dans Jackie Brown, le love interest en fait de Jackie. de Tarantino, et après ça, il tourne pas mal, même si c'est dans des petits rôles à chaque fois, mais ça relance quand même un peu sa carrière. On peut citer que ce qui concerne les cheveux du protagoniste, c'est un apport de Robert Foster lui-même, parce que visiblement, il était vraiment mal à l'aise avec sa vraie chevelure à l'époque du tournage. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de blagues là-dessus dans le film. Et son dernier rôle, il meurt le 11 octobre 2019, et son dernier rôle tourné, c'est dans le film Breaking Bad, du coup, où il retrouve Bryan Cranston, ce qui boucle la boucle. Le film El Camino. Oui, que je n'ai pas vu, parce que je n'aime pas Breaking Bad, mais voilà. Mais j'ai vu la série, mais je n'ai pas vu le film, qui se passe après la série. Oui. Mais du coup, je ne sais même pas s'il y a Bryan Cranston dedans. Je crois, en tout cas, Bryan Cranston dit qu'il était sur place. Après, est-ce que c'est juste qu'il était producteur ? Je sais pas. C'est vrai qu'il est censé être mort, mais je crois que c'est un... Oui, voilà, c'est je crois que c'est un interquel. Je crois que ça se passe pendant Breaking Bad, pas vraiment après. Je sais plus. En lisant le résumé, ça se passe après. Ah, bah il y a peut-être des flashbacks, alors. Le film ne m'intéresse pas plus que ça, donc... Ouais, pareil, moi, donc j'irai pas vérifier. Non, mais toi, c'est parce que t'as pas vu la série, et moi, c'est parce que la série suffit elle-même. Ah si, si, je l'ai vu, je l'ai juste détesté. Ah, oui. Marissa Kendall, donc la scientifique experte en alligator et en reptiles en général, et qui est en réalité la petite fille dont l'alligator est abandonné dans les égouts au début du film, elle est jouée par Robin Riker, c'est son premier rôle au cinéma, et globalement c'est une actrice qui a plutôt une carrière télévisuelle, dont beaucoup de soaps et de sitcoms, et elle joue aussi un peu au théâtre, mais du coup, c'est pas vraiment sorti des États-Unis ce qu'elle a pu faire. Oui. Le supérieur de David, à savoir le policier Clark, est interprété par Michael V. Gazzo, qui joue Frank Pentageli dans Le Parrain 2. Après avoir commencé sa carrière comme auteur de pièces de théâtre et comme scénariste, par exemple, c'est lui qui a écrit la pièce Hatful of Rain, adaptée au ciné, le titre français c'est Une poignée de neige, sur l'addiction d'un vétéran, sur l'addiction à la drogue d'un vétéran de la guerre de Corée. Le film est un peu lent, un peu académique, mais pas si mal que ça. Voilà. D'accord. Il a surtout des rôles secondaires, voire tertiaires au cinéma, et il est mort en 1995 à 71 ans des suites d'un AVC. Le magnat de l'industrie Slade, qui dirige donc les laboratoires responsables de la croissance de l'alligator et qui tient la fête à la fin et qui contrôle la mairie, etc. Bref, un rôle typique de gros riche scientifique dans un film d'attaque animale. Il est joué par Dean Jagger, acteur actif depuis 1923, même s'il commence sur scène et à la radio. D'après sa fiche Wikipédia, dans sa jeunesse, il s'entraînait à l'art oratoire avec des vaches, vu qu'il vient d'une famille paysanne. Voilà. Passionnant. Ouais. C'est au milieu des années 30 qu'il commence à pas mal apparaître au cinéma, et à partir de là, il joue beaucoup, surtout dans des petits rôles, mais beaucoup. Visiblement, c'était un anticommuniste convaincu, qui a refusé de jouer avec des gens qui étaient sur la fameuse liste noire du McCarthyisme. Oh là là là. Et qui a joué dans des films de propagande. Oh là là là. Voilà. Au début des années 60, il joue régulièrement dans la série Mr. Novak, pour laquelle il a deux nominations aux Emmy Awards, et il est devenu mormon sur la fin de sa vie avant de mourir en 91. Son dernier rôle étant dans la série Hôpital Saint-Elsewhere. La vie du mec est fabuleuse. Sa fiche Wikipédia, c'est grandiose. C'est pas du tout un rôle de composition, du coup, en fait. Ouais, voilà, en fait, si ça se trouve, lui, il était persuadé de jouer le héros du film. Le maire est interprété par Jack Carter, qui joue régulièrement au cinéma dans les années 80, puis plutôt à la télévision à partir des années 90. Je n'ai pas noté grand-chose, à part que son dernier rôle, c'est une petite apparition dans Mercy, de Peter Cornwell, adapté donc de Mémé, de Stephen King. Oui. Qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça, on l'a vu. Voilà, c'est ça, c'est un des 10 derniers épisodes du podcast à l'heure du Vidéoclub, à l'heure où nous enregistrons, n'hésitez pas à aller écouter. C'est pas bien. Non. Enfin, écoutez le podcast, mais le film, vous pouvez vous en passer. Le podcast était excellent, mais le film, ouais. Voilà. Le colonel Brock, à savoir le chasseur d'alligator, espèce d'Ace Ventura de Superette, est joué par Henry Silva, qui a fait l'acteur studio et a commencé sur scène dans la pièce Une poignée de neige, donc de Gazzo. Tout se recoupe. Après beaucoup de rôles de méchants, il joue dans le western spaghetti du sang dans les montagnes, ce qui lui vaut une petite période en Italie, comme ont eu pas mal d'acteurs en réalité, régulièrement pour le réalisateur Umberto Lenzi. Il revient aux États-Unis où il retrouvera pas mal de rôles de bandits. On peut citer par exemple The End of Violence de Wim Wenders, que je n'ai pas vu. mais aussi Ghost Dog, oui, que j'ai vu et qu'on aime beaucoup. Il y a un très bon film, effectivement. Et l'année précédente, Alligator, il avait joué dans Virus de Kinji Fukasaku, qui est toujours un chouette film. J'ai régulièrement l'occasion de le placer et je l'aime bien, voilà. Dans les œuvres animées Batman, film ou série de 94 à 98, il double Bane. D'accord. Et on peut aussi noter que, enfin, le titre m'a interpellé, on va dire. Il joue dans le film parodique Le Silence des Jambons, un film parodique italien, mais visiblement qui parodie plutôt Psychose que Le Silence des Agneaux. Oui, c'est très bizarre. Et dans le film apparaissent aussi Mel Brooks, John Carpenter ou John Landis quand même. C'est un film qui m'a toujours intrigué, Le Silence des Jambons, là. Oui, mais je le verrais pas ça seul, tu vois, ça a l'air douloureux quand même. C'est un appel du pied, ça, Issam. Ouais, voilà. Et sa dernière apparition, c'est dans son propre rôle, dans le film Ocean's Eleven, qui est un remake de L'Inconnu de Las Vegas, dans lequel il jouait déjà. Mais donc Ocean's Eleven, un film que j'aime beaucoup, moi, comme tous les films de casse de Soderbergh, c'est très très fun. Par contre, c'est son dernier film, mais c'est parce qu'il a pris sa retraite. Hein. Il meurt seulement en 2022, donc un bon moment après, à 95 ans, donc il aura eu une belle vie. Oui. Et je mentionne enfin le scientifique Arthur Helms, qui est joué par James Ingersoll, très majoritairement acteur de séries télé. Il apparaît dans un seul épisode de temps en temps, donc c'est vraiment un acteur de rôle tertiaire ou de rôle principal d'un épisode, quoi. La photographie est de Joseph Mangin, qui très tôt dans sa carrière réalise le film Smoke and Flesh, mais il ne renouvelle l'expérience qu'une fois et reste majoritairement directeur photo. Je note par exemple des titres charmants comme On n'en a rien à secouer ou Les chouchous de maman, mais aussi L'épée sauvage d'Albert Puyn, qui est peut-être le film le plus connu d'Albert Puyn. Ouais, qui est un film pas extraordinaire, mais c'est sympathique. Oui, voilà. Réédité par Carlotta aussi. Carlotta, quand même, dans les éditeurs de cinéma de patrimoine indé, c'est quand même les plus gros. Hein. Ils ont quand même 3 sorties par mois minimum. Ils ont du catalogue. Hein. Et pour le coup, lui, il revient sur Alligator 2 et il est mort en 2006. Oui, parce qu'on l'a pas précisé, mais Alligator et Alligator 2, c'est aussi chez Carlotta, hein, si vous les voulez. Oui, mais ils les avaient sortis en même temps dans un steelbook très joli. Ouais, effectivement. Et Joseph Mangin, on le reverra également dans un autre film, L'Attaque Animale. Ah, que j'ai pas noté, c'est lequel ? La Nuit des Vers Géants. Ah, oui. De Jeff Lieberman. Qui est chouette en plus, celui-là. Oui. Est-ce que c'est également lui qui fait du coup la cinématographie de Squirm en VO ? Ah, bah j'avais loupé ça. La Nuit des Vers Géants. Merci de la précision. De rien. Le compositeur Craig Huxley a participé au perfectionnement d'un instrument de musique, ça arrive pas si souvent, un instrument de musique qui porte un nom d'arme dans un film de SF parce qu'il s'appelle le Blaster Beam. Originellement, il est créé par John Lazell au début des années 70 et ça consiste en une grosse barre qui, dans la version d'Huxley, est en aluminium avec des cordes par-dessus reliées à des micros et amplis de guitare qu'on pince ou frappe. Donc c'est un truc assez particulier, mais en réalité c'est un instrument qu'on a probablement déjà entendu puisqu'il est dans pas mal de BO un peu importantes, dont celle de Star Trek par Jerry Goldsmith et James Horner, leurs BO respectifs pour Star Trek. C'est con, ils auraient dû l'utiliser dans Beamstar, tu vois, ça aurait eu un sens. C'est un instrument qui a un son très SF hein, quand on l'entend. Et Huxley lui-même en fait a joué beaucoup de Blaster Beam dans pas mal de BO. En tant que compositeur, il travaille plutôt sous le nom de Craig Hunley et il est actif seulement 10 ans environ en tant que compositeur, de 80 à 92, un peu plus de 10 ans. Voilà. Ok. La musique de Incroyable Alligator, elle est très synthé, très ancrée dans son époque et ce qui, je trouve, joue en sa défaveur, c'est que clairement, le gars, il avait entendu la BO des Dents de la Mer. Oui. Et à chaque fois qu'il y a une attaque de l'Alligator, c'est les Dents de la Mer, mais avec des synthés. Ah, c'est flagrant, ça en est même un peu cringe par moment. Ouais, c'est un peu abusé là quand même, ouais. La réception du film quand il sort en 1980 aux États-Unis est pas désastreuse, mais pas non plus très correcte. Il sort le 2 juillet 1980. Et c'est moyen, quoi. C'est moyennement accueilli. Il a actuellement 2,6 étoiles sur Allociné. 87% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, mais le score lui-même est bien moins élevé, il est aux alentours de 59%. Et on innove avec ce podcast, je précise aussi qu'il a 3,2 étoiles sur Letterboxd. Voilà. Ce qui est pas si mal. Oui. Ce succès, c'est inférieur à ce qui était attendu, c'est pour ça que la suite arrivera seulement 10 ans plus tard en DTV et qu'elle n'est une suite qu'en théorie, en pratique, il n'y a pas beaucoup de points communs sortis de la présence d'un alligator. Visiblement, on avait proposé à Lewistick de s'en occuper, mais il n'acceptait qu'à condition du retour de Foster, et comme il n'a plus jamais de nouvelles suite à cette demande, il n'a pas réalisé cette suite, il ne l'a pas vue, et il dit qu'il n'en a pas envie. Le film est sorti quand même au cinéma en France, pas mal plus tard, le 16 juin 1982, donc quasiment 2 ans de décalage. Voilà. Ouais, c'était quand même l'époque où les décalages, c'était très régulier. C'est ça, surtout sur des films qui ne sont pas des blockbusters. Oui, voilà, ce que j'allais dire, d'autant plus sur des petites productions de ce calibre-là. Détail amusant, il existe un jeu de plateau adapté du film, designé par Julius Cooper pour la Ideal Toll Company. En résumé, le jeu, c'est une variante du croque-dentiste. Donc, c'est destiné à des enfants, ce qui est un peu étrange, vu le film. Oui, effectivement, oui. Et après le jeu, les enfants, on va regarder le film. Ouais. Et puis, la scène de la pub, piscine. Je peux te mettre la pub qui est dispo sur YouTube. C'est vraiment totalement orienté jeu pour enfants, jeu familial, quoi. Ah oui, je veux bien voir ça, oui. The alligator wants food to chew. Feed him just right or he'll feed on you. Better be lucky with the spinner that tells you to feed him or take out his dinner. Give him a TV, only he knows just when his jaws are ready to close. Take out a jug, put in a case. He's losing his patience, just look at that face. Feed him a can, if that's what you choose. Throw in a block and you lose. The alligator game. From Ideal. Ah oui, effectivement, on a... À première vue, on ne peut pas savoir que ça vient du film. Ben, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'il cherchait à viser en faisant ça, mais ouais. Il faudrait customiser le jouet et lui mettre des vraies lames de rasoir dans la bouche. Ok. Oui, on fait pas mal de recherches en vivisection. Avez-vous affaire à un marchand d'animaux du nom de Gutschel? Tous nos cobayes, monsieur, sont élevés ici, ou nous les prenons à la fourrière de la ville. Et que faites-vous quand vous n'avez plus de cobayes? Nous devons suspendre nos recherches, c'est simple. Oui, vous êtes spécialiste des hormones, c'est ça? Oui. Juste une petite question. Est-ce qu'il est possible pour un chien adulte de doubler de taille, disons, en 2 mois environ? Non, pas actuellement. Écoutez, j'aimerais vous être utile, mais comme je vous l'ai déjà dit, quand on a fini nos travaux sur les cobayes, on les ramène à la fourrière pour y être incinérés. C'est rigoureusement réglementé par la société humaine. Est-ce qu'il est possible pour l'un de ces chiens de se détacher et de finir dans les égouts? Non. Impossible. Ils sont vraiment très calmes. Pardon? Je disais que vos cobayes étaient très calmes. Ah oui, c'est parce que nous leur sectionnons le larynx à l'arrivée le jour même. Ça les empêche de nous casser les oreilles. Évidemment. Mais voilà, c'est les informations que j'avais sur l'incroyable alligator de Lewistick, et nous allons pouvoir passer à nos avis, et on a beau avoir changé de podcast, on garde les habitudes, je te laisse commencer. Eh ben écoute, l'incroyable alligator, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. Je trouve que c'est un film qui a certes des défauts, on en reviendra, son personnage principal qui est pas vraiment très attachant, ce genre de choses, mais je trouve qu'en termes de construction, en termes de rythme, le film est très efficace et on ne s'ennuie pas. Ça propose des scènes d'attaque qui sont plutôt bien menées aussi. Ça aurait pu être un peu plus généreux sur la violence graphique, mais bon, le peu qu'on a, c'est quand même très satisfaisant, et je trouve que l'alligator est très bien fait, ce qui, dans un film de ce genre-là, est quand même assez primordial comme qualité. Oui, c'est un film effectivement que je trouve sympatoche. J'avoue que j'ai plus de mal à partir du moment où l'alligator sort en ville. Je trouve que quand même, il pique un peu plus, il est un peu moins crédible. On voit un peu plus que c'est du plastique. Oui, quoi. Oui, je suis d'accord. Mais dans les parties dans les égouts, il fonctionne très bien. Ses attaques fonctionnent bien dans les égouts. Pareil, elles ont un peu plus de mal à avoir de l'intensité à partir du moment où il est dans des décors plus ouverts. Le scénariste avait pas tort, c'est un peu plus dur de rendre un alligator vraiment terrifiant dans ce contexte-là. Bah, c'est vrai que la grosse attaque de la réception, bon, tu te dis, mais qu'est-ce que vous faites? Courez. Oui, voilà, c'est ça. Les gens courent juste dans tous les sens en rond et deviennent vraiment victimes du bestiau. Bon, bah voilà, ça, c'est pas très crédible. On sent que ça a été fait pour que ça, pour qu'il puisse attaquer des gens. Une qualité que j'apprécie beaucoup dans ce Alligator, et c'est une qualité qu'il y a également dans Cujo, donc du même réalisateur, c'est que l'Alligator n'est pas montré comme un monstre assoiffé de sang. Alors oui, c'est un monstre de cinéma, mais c'est pas un monstre en tant que tel. C'est juste, il est là, en fait, il doit tuer des gens pour se nourrir, quoi, c'est tout. Parce que pendant tout le début du film, c'est que des clébards qui bouffent. C'est pas des humains. À aucun moment, il attaque l'être humain, en fait. Il attaque l'être humain à partir du moment où le mec qui lui balançait les cadavres de chiens va dans l'égout et se fait bouffer. Et donc, il y a une enquête qui est menée. Et c'est à partir de là où, découverte de l'alligator, et donc forcément, vu que les gens le traquent, il attaque l'être humain. Mais avant ça, il n'est pas hostile à l'être humain. Il n'est pas montré comme un monstre sanguinaire. Tout comme Cujo, en fait. Oui, effectivement, mais encore une fois, c'est un truc assez récurrent des films d'attaque animale où si l'humain avait foutu la paix à l'animal, il n'aurait pas attaqué. Oui, mais disons que dans d'autres, à partir du moment où l'animal est génétiquement modifié, ça y est, il devient, c'est à cause de l'humain, mais là, il devient une menace pour l'humain en l'attaquant de lui-même, alors que là, c'est pas le cas. Oui, effectivement, ouais. C'était à ça que je voulais en venir. Ouais. Là, il y a aussi pas mal d'insistance sur le fait que il a été balancé dans un milieu qui n'est pas le sien, il n'est pas censé être dans les égouts, et que donc, de base, c'est un animal qui a totalement grandi dans un contexte qui ne lui était pas favorable, qui n'était pas bon pour lui. Il n'a même pas à être acheté, déjà, de base. Il n'a pas à être commercialisé comme ça. Même ça, c'est quand même assez critiqué dans le film. Ouais, il y a pas mal de trucs, quand même, sur le traitement des animaux, même hors alligator, dans le film. On y reviendra, mais il y a aussi tout ce qui est les expérimentations sur les chiens de laboratoire. C'est vrai qu'on sent que Lewis Teague a quand même, quand même un pied un peu activiste dans la protection animale, quoi. Ouais, je sais pas jusqu'à quel point il est vraiment engagé là-dedans, lui. Je sais pas, mais en tout cas, c'était quand même assez flagrant également dans Cujo quelques années après. Oui, effectivement, ouais. Il y a au moins une volonté de faire passer un message là-dessus, ça, oui. Parce que Cujo, oui, King, c'était pareil. Dans le roman, clairement, Cujo n'était pas un monstre sanguinaire. C'est à cause de la maladie qu'il rend comme ça. Lui-même, quand on est dans ses pensées, on voit qu'il aime pas ce qu'il fait. Mais en adaptation de film, ça aurait été tellement simple de tomber dans le piège et d'en faire un monstre sanguinaire et basta, quoi. Et Tig évite ça. Ouais, effectivement, c'est ce qui fait de Cujo une grosse réussite, d'ailleurs. Et je trouve que du coup, on retrouve un peu ça dans Alligator. Hein. Mais voilà. On peut dire qu'il y a des moments d'humour qui effectivement fonctionnent plutôt bien. Il y a même si tu disais que pour lui, il a mis beaucoup d'humour, je trouve pas plus que ça, finalement. C'est plus un ton un peu second degré, régulier. Oui, quoi. Voilà. C'est pas un film qui me... Je me claque pas le cul par terre, pour reprendre une expression non. De vieux. Non, voilà, c'est ça. C'est pas complètement comique, mais on sent que c'est abordé avec une certaine légèreté. Oui. Mais sinon, les personnages sont pas super attachants. Après, c'est pas les pires du monde. Par rapport au genre, je trouve que c'est pas les pires du monde, tu vois. Et quelque chose que j'ai noté, je trouve que le personnage principal n'agit pas comme un fou forcené. C'est-à-dire, très souvent dans les films d'attaque animale, quand le protagoniste constate la présence de l'animal dangereux, ça, il agit un peu vraiment comme une personne hystérique à vouloir crier partout « attention, attention ». Et toi, limite, en tant que spectateur, tu pourrais te dire « bah oui, mais en fait, c'est normal que les gens me prennent pour un cinglé puisque t'agis comme un cinglé ». Et je trouve que le personnage principal dans Alligator n'agit pas comme ça, il est un peu plus terre-à-terre. Lui, il est plus genre « oh, tu me crois pas, va te faire voir, en fait, je vais mener l'enquête de mon côté, et puis basta, quoi ». Pour le coup, les décisions des personnages sont souvent pas déconnantes, à part celles des gros riches et compagnie. Mais il y a pas mal de décisions qui paraissent pas si excessives que ça, à part quand il va confronter l'alligator en one-to-one à la fin, mais à la limite, on peut dire qu'il a pas d'autre choix, quoi. Tout le film a mené à ça. Donc ça peut passer. Voilà, il y a quelques décisions, quelques personnages secondaires qui ont des réactions un peu bizarres, mais ça on y reviendra au moment où on évoquera les fameuses scènes. Bon, je propose justement qu'on y aille sur le film. Let's go. Le film s'ouvre donc sur une famille qui va dans un espèce de parc où il y a des spectacles d'alligators. Puis on l'a évoqué rapidement, l'un des dresseurs, entre guillemets, de la bête se fait rogner une jambe. l'accident bête, tu vois. Ça vient très très vite. Hein. Ah oui, c'est l'introduction du film. Ouais, c'est ça. On n'est même pas à une minute de film qu'on en est déjà là. Hein. Ça commence très brutalement. Et j'adore parce que la réaction de la gamine après avoir vu ça, c'est de vouloir acheter un bébé alligator. Tu te dis, bah, comment ça? Oui. Bah, après, aucun trauma. Ça montre bien l'irresponsabilité des touristes qui, déjà, au début, croient que ça fait partie du truc, du jeu. Oui. Et qui, après, effectivement, tout le monde continue à vendre des alligators, les touristes continuent à en acheter. La gamine, admettons, mais c'est surtout les parents, quoi, qui, à ce moment-là, devraient mettre des limites. Ah oui. Donc ça fonctionne bien pour montrer directement que le traitement des alligators par les humains, c'est n'importe quoi, et que tout ce qui va se passer, bah, d'une certaine façon, on en est les responsables. Ah oui, totalement, oui. C'est une bonne critique des spectacles où on met en scène des animaux, genre le cirque ou ces parcs-là, quoi. Ouais. Les animaux n'ont pas vocation à nous amuser, en fait. Laissons-les tranquilles, quoi. Ou le Puits du Fou, parce que parmi d'autres saloperies, ils font aussi des spectacles avec des animaux. Voilà. Et je parle pas des spectacles avec des fachos, même s'il s'en est aussi, mais... Le début, du coup, est plutôt efficace, même quand le père jette l'alligator. Bon, le père qui est un énorme connard, du coup. Oui. Mais ça marche bien, toute cette introduction, qui se passe donc 15 ans environ avant le reste du film. Et puis ça va très vite, quoi, on perd vraiment pas de temps. Ouais, sur le début, c'est très rythmé. Il y a quelques autres moments où je me dis qu'il y a des scènes qui auraient pu être supprimées pour plus développer le propos social, mais on y reviendra. Et donc, on en arrive directement à notre protagoniste, David Madison, qui achète un chien, ce qui permet de présenter l'animalerie. Je trouve que narrativement, tout le début est assez efficace parce que ça présente l'animalerie. Ça présente assez vite que les premières attaques de l'alligator. Donc, ça marche comme structure pour amener les persos et les groupes. Oui. Donc, il achète un chien parce que on lui a volé son chien. Ouais, c'est ça. Ce qu'il dit, en tout cas. Il était à la boulangerie ou je ne sais quoi, et il est sorti, hop, chien. C'est con, quoi. Ouais. Donc, il y a une main qui est retrouvée, bouffée, en fait. Enfin, on retrouve la main et pas le reste du corps, dans un château d'eau. Donc, c'est un début plutôt efficace. Si là, j'ai noté un truc qui m'a fait rire, c'est le médecin légiste qui raconte l'anecdote de la fois où ils avaient retrouvé qu'un orteil d'un type. Ils avaient réussi à l'identifier et à l'enterrer. Et David Madison répond, ça a dû faire un tout petit cercueil. Ah oui, la vanne est très drôle. Ouais. Il y aura une autre vanne un peu rigolote aussi, un peu après. Mais donc, on a déjà le mystère de quelque chose ou quelqu'un qui attaque dans les égouts et qui attaque avec beaucoup de brutalité. Voilà. Et tout de suite après, on a aussi vraiment très efficacement le chien d'une vieille femme qui est retrouvée, enfin un chien d'une vieille femme qui est retrouvée, les cordes vocales coupées. Mais la vieille dit qu'il ressemble exactement à son chien, sauf qu'il est deux fois plus gros. Oui, en témoigne un petit gilet qu'elle sort de son sac. Elle lui avait tricoté un petit gilet pour qu'il fait froid. Et quand tu vois le chien, en fait, tu dis c'est pas possible, quoi. Le gilet irait à un enfant humain de 6 mois, quoi. Alors que devant toi, t'as un chien qui fait 2 mètres au garrot. Après, est-ce que c'est le chien qui a grandi ou le gilet qui a rétréci au lavage? On ne sait pas. Faut mener l'enquête. Mais donc, il y a des étrangetés dans l'air. Ouais. Et on va assez vite apprendre un peu plus de choses, puisqu'on enchaîne directement sur le patron de l'animalerie qu'on a vu plus tôt, qui apporte des chiens aux scientifiques. Oui. Des chiens qu'il, effectivement, prend dans la rue et donc vole pour une bonne partie d'entre eux. Et c'est comme ça que je l'ai interprété. Du coup, on peut comprendre que c'est le mec de l'animalerie qui a volé le chien de notre protagoniste, tout simplement. Oh bah moi, c'est comme ça que je l'ai compris. On ne sait pas si c'est le seul rabatteur du scientifique, mais en tout cas, clairement, le chien de David est passé à la trappe comme ça. Ce qui met une espèce d'humour un peu noir, parce que quelques minutes avant, c'est à lui qu'il a acheté son nouveau chien. Ouais. Mais d'ailleurs, David y fait référence plus tard. Quand il va voir le scientifique, il y a un moment, il mentionne la race de son ancien chien. Oui. Le scientifique, c'est un pur scientifique de ce genre de film, hein, à savoir très froid, cruel avec les animaux. Bah, il leur coupe les cordes vocales pour éviter d'avoir du bruit dans le labo, ce qui est un vrai truc qui est fait dans les labos d'expérimentation animale. Ce qui est tellement cruel. Ouais. Et il veut de plus en plus de bestioles parce qu'il en tue, il en tue par paquet chaque jour. Pour faire des expériences sur des recherches hormonales. Ah oui, c'est sur des hormones de croissance qu'il fait des recherches, effectivement. Voilà. Ce qui explique qu'on retrouve des chiens géants, et ce qui explique, un peu spoiler, mais on peut le comprendre à ce stade-là, que l'alligator lui-même soit devenu géant, a bouffé les cadavres de chiens bourrés de produits. Et donc, le mec de l'animalerie ramène des chiens au scientifique. Le scientifique, tu lui demandes, derrière moi, il y a un tas de chiens crevés là dans les sacs poubelles, est-ce que tu veux pas t'en débarrasser? Hop. Du coup, le mec se barre avec les chiens morts dans les sacs poubelles. Et donc, il va les balancer dans les égouts. Mmh. Bon, idée moyenne, on va s'en rendre compte. Ah oui, il a toujours procédé comme ça, simplement. Sauf qu'à un moment, il en balance un et l'animal tombe pas dans la flotte, il tombe sur le petit rebord, donc il est obligé de descendre pour le mettre à l'eau, et c'est à ce moment-là que... Tadam. Alors, mauvais film, pardon. Ouais, enfin, pas de loin pour la musique. Hein. Et même pour la scène, hein, parce que c'est filmé en POV... En POV alligator, donc vraiment comme une attaque de requin dans les dents de la mer, quoi. Il y a le premier plan sur l'œil de l'alligator, est vraiment efficace parce qu'il arrive un peu de manière surprenante dans le montage. C'est directement un gros plan sur son œil alors qu'on l'a pas du tout vu avant. Je trouve ça plutôt intéressant de manière de l'amener. Oui, que ça soit aussi frontal. Mais donc, c'est la première victime qu'on voit mourir, en tout cas. Et ensuite, donc le bras, c'est à nouveau un bras qui est retrouvé, je crois, de Gutschel, donc le nom du patron de l'animalerie. Et là, Madison commence à être certain que, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et du coup, le légiste, là, fait une vanne en mode je vais ouvrir une entreprise de pièces rapportées. Oui. Ça m'a bien fait rire. Pour le coup, l'enquête avance assez vite de la part de Madison, puisque tout de suite après, il est au labo. Oui, parce qu'en fait, juste après... Enfin, souviens-toi, il voit la main. C'est le bras, je crois, du scientifique... c'est la jambe qu'on retrouve. Et un peu plus loin, au moment, il lève la tête et il voit deux autres policiers qui repêchent un truc. Et en fait, ils repêchent la chemise du propriétaire de l'animalerie. Et vu que c'est la chemise, le mec il l'a vu le matin même, donc il reconnaît le vêtement. Oui, et puis il fait le lien avec le chien géant qu'il a retrouvé. Voilà. Et c'est un truc que j'aime bien dans le film, c'est que l'enquête n'est pas explicative tout le temps. En fait, toi spectateur, c'est toi qui fais le lien. Tu vois qu'il a vu, tu comprends, dans ta tête tu fais les liens et basta. On va pas te bourrer le crâne d'explications, on va pas te prendre pour un teubé. C'est quelque chose que beaucoup de films devraient faire. Oui, effectivement. Et en plus, là, il est assez logique parce qu'il fait techniquement une erreur. C'est-à-dire qu'il croit que ce qui attaque dans les égouts, c'est un chien géant. Mais c'est logique avec les informations qu'il a, puisque lui, il a vu un chien qui a doublé de taille. Oui. Il sait qu'il y a des expérimentations sur les chiens. Il a absolument aucune raison, en fait, de croire qu'il y a un alligator à ce stade de son enquête, en tout cas. Bah oui. Et du coup, c'est ce moment-là, avec la fameuse scène où le scientifique lui explique qu'on coupe les cordes vocales aux chiens dans les refuges. Et c'est tellement froid, la manière dont il le dit. En plus, il le dit avec un petit sourire. Oui. Oui, il joue il joue très bien le scientifique froid connard. Et connard. Ouais. Ça, pour le coup, autre personnage très récurrent du genre, hein, comme on l'a dit. Oui. Ça, on en verra beaucoup. Mais c'est vrai que la scène est vraiment très juste, quoi. Tu sens la critique acerbe des expériences faites sur les animaux, quoi. Oui, c'est ça. Je sais pas jusqu'où ça irait, mais il y a une critique du concept, au moins. Voilà. Après. Et puis, non, en fait, ce que j'apprécie surtout, c'est que la critique est pas enjolivée, tu vois. C'est pas violon. C'est balancé comme ça, elle est sincère, elle est brute, et voilà. Oui. Oui, c'est jamais appuyé, effectivement. Ensuite, il y a la conférence de presse qui va nous permettre de présenter le journaliste, qui sera plutôt le journaliste Kemp, donc qui est plutôt odieux, et qui va permettre à l'enquête d'avancer en réalité, mais qui est quand même un sacré connard. Ah oui, il va donner de sa vie littéralement pour que l'enquête avance. Pour le coup, les journalistes dans ce genre de film, j'ai l'impression que c'est tout blanc ou tout noir. Soit c'est vraiment des types très bien qui permettent d'avancer et qui défendent la vérité, soit c'est des maxi-connards. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. C'est vrai, très souvent c'est soit l'un soit l'autre. Ouais, c'est soit Edwy Plenel, soit Pascal Praud, quoi. Bon, personne ne veut travailler avec Madison parce qu'on apprend qu'il a perdu un collègue quelques années auparavant. Ça, je sais pas si toute cette sous-intrigue était nécessaire. Peut-être qu'on aurait pu gagner du temps en la supprimant, par exemple. Ouais, je pense effectivement, je suis d'accord avec toi, que ça n'apporte pas grand-chose ni au personnage, ni à l'ambiance du film. Idem pour la scène avec l'homme qui débarque en disant qu'il a une bombe dans le commissariat. Je vois ce qu'elle apporte parce que ça permet de montrer que Madison et son nouveau partenaire sont capables de travailler ensemble et de créer un petit attachement alors qu'il va mourir quelques minutes plus tard. Mais c'est quand même beaucoup de temps passé sur une scène au final qui n'a pas un intérêt démesuré. Bah, tu les aurais montrés à la buvette, ça aurait été pareil, quoi. Oui, c'est ça. Ou alors tu poses qu'ils sont partenaires depuis un moment et qu'ils sont attachés l'un à l'autre, ça aurait pu marcher. Ou alors, et moi c'est ce que je pensais dans cette scène-là, c'était faire un sous-entendu comme quoi le mec avec sa bombe, il était envoyé par le scientifique fou, là. Oui, ou par l'alligator. Non, parce qu'au début, il divague, il dit que c'est des gens qui lui ont dit de faire ça, mais en fait, tu vois qu'il est fou. Ouais. Et moi, me souvenant plus trop de l'intrigue et de ce passage-là en question, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me souviens plus s'il a été envoyé ou pas, mais non, en fait, c'est juste une scène comme ça qui sert juste à créer un lien entre les deux flics. Bon, alors après, ça aurait pas été subtil de la part du scientifique d'envoyer un mec avec une bombe à la police, quand même. Hein, mais bon. Non, je sais bien, mais tu sais... Il n'est pas très subtil non plus comme personnage. Oui, certes, mais bon, dans la mesure où il contrôle la mairie il a des moyens plus efficaces que ça, on va dire. Et donc, Madison et son collègue Kelly vont dans les égouts pour chercher ce qu'ils croient être un chien à ce stade-là. Oui. Comme je disais, les scènes dans les égouts fonctionnent pas trop mal pour le moment. Je serais un peu moins fan de la toute dernière. Mais là, ça fonctionne plutôt bien. Il y a une bonne utilisation du décor un peu labyrinthique, obscur, tout ça. Un très joli éclairage avec l'effet de la lumière des lampes torches sur le reflet de l'eau, c'est très joli. Ouais. Bon, après, la blague du collègue, c'est une blague de connard, mais bon, c'est le fameux coup de « Haha, j'ai disparu, mais en fait, je te surprends en faisant croire que je t'attaque. » En plus, il lui pince le cul, c'est quoi cette agression sexuelle? Ouais. Non mais... Alors d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais lors du plan qui approche de dos sur Madison à un moment... T'as une petite tache de lumière et tu vois l'ombre de la caméra et tout à coup la caméra elle s'élève un peu parce que le caméraman a dû se rendre compte qu'il y avait ça à l'image et tu vois le mouvement de caméra pour masquer vite fait le petit défaut. J'ai pas fait gaffe. Mais sinon la scène est plutôt efficace ainsi que l'arrivée de l'alligator et donc la mort de Kelly. Est-ce qu'à ce moment-là, du coup après qu'il lui ait fait peur... Il trouve un bout de cadavre, je crois. Que c'est là où est mort le propriétaire de l'animalerie. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il tombe assez vite et plutôt par surprise sur l'alligator. Encore une fois, c'est assez, ça arrive assez brutalement. Oui, parce qu'après ils repartent en quête du chien. Et c'est au détour vraiment d'un croisement de canalisation que, hop, la grande gueule de l'alligator qui surgit d'un coup. Et l'effet est plutôt bien rendu. Hein. Oui. Nous, on l'avait déjà vu un bon moment avant l'alligator. Oui. Mais seulement le temps d'un plan. Et on n'en avait plus entendu parler après. Donc, il y avait le côté on attend, on ne sait pas ce qu'il vient, on ne sait pas exactement où il est. Ça, c'est plutôt pas mal fait. Et ce plan, d'ailleurs, il faut en parler, parce que ce plan est extraordinaire. C'est le plan où les deux regardent leur carte, la carte des égouts. Et c'est Kelly, je crois, qui, à un moment, du coup, glisse sa lampe à lui sous son bras. Et en la glissant sous son bras, ça éclaire subrepticement ce qu'il y a derrière lui. Et en fait, derrière lui, on voit qu'il y a un petit renfoncement et tu vois du coup rapidement l'alligator qui se move un tout petit peu avant de retourner dans l'ombre. Et le plan fonctionne tellement bien, quoi. Et c'est... La surprise est là, quoi. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai découvert le film, ça a vraiment très bien fonctionné sur moi, quoi. Oui, ça, à ce moment-là, le film fonctionne vraiment bien. Comme je dis, je trouve qu'il gère bien. Quand il est dans un espace relativement clos et c'est plus les scènes extérieures et plus orientées action qui me convaincront moins au niveau réalisation. Mais donc voilà, il tombe nez à nez avec l'alligator, du coup, t'as une bestiole comme ça qui te course, tu te barres, quoi, c'est tout. Oui. Ils ont une réaction ultra crédible, hein. C'est vraiment genre, je crois, il essaye 2-3 coups de feu et puis il fait, oh, puis merde, puis il se barre. Ouais, là, pour le coup, surtout qu'encore une fois, ils s'attendaient pas à ce que ce soit un alligator, et la mort de Kelly est bien efficace, ils étaient sur le point de se barrer, c'est pas de leur faute si ça marche pas, enfin, voilà. Ouais, les deux en fait essayent de partir par une sortie de bouche d'égout, sauf que la bouche d'égout est coincée. Bah donc Kelly se fait choper à la jambe et entraîner dans l'égout par l'alligator. Ce qui va créer un effet miroir intéressant avec la suite, puisqu'il y aura de nouveau une histoire de bouche d'égout sur le climax. Ouais. On retrouve à l'hôpital où est amené Madison, parce qu'a priori il est sorti, on le voit pas, mais il est sorti de sa bouche d'égout en criant un alligator, et donc on l'a amené à l'hôpital. Et oui. Mis sous calmant. Et on retrouve le journaliste connard qui est toujours un connard, donc tout va bien. Oui, c'est ça. Qui remue un peu le couteau dans la plaie avec l'histoire de son ancien partenaire, là, on s'en fout toujours autant, mais bon. Mm. Ok, soit. Et c'est là qu'on découvre le docteur Kendall, puisque comme il a vu un alligator, Madison, il va aller interroger une experte des alligators, mais qui pour l'instant, de manière assez crédible, est dans le statut habituel de la Scully du groupe, savoir qu'elle dit « Non, mais un alligator, déjà de base, ça peut pas dépasser une certaine taille, et si c'était dans les égouts, il aurait pas eu de quoi se nourrir, il aurait pas vu le soleil, donc il serait forcément bien plus petit. » Oui, et puis il serait crevé surtout. Oui, c'est ça. Il n'aurait pas survécu longtemps, quoi. Ce qui est, vu qu'elle a rien vu, elle se base sur ses connaissances scientifiques. Donc c'est crédible. C'est frustrant, mais c'est crédible. Oui, clairement. Et puis voilà, comme je l'ai dit, l'ensemble des personnages du film n'agissent pas comme des forcenés, donc elle dit juste que pour elle, c'est pas possible, elle l'accuse pas de tous les noms, quoi. Et lui non plus ne s'excite pas à tout va. Ouais, c'est ça, ouais, on sait qu'il lui en voudra, il aura du mal à le digérer, mais voilà, il est pas non plus trop insistant. Oui, ça, il va le rappeler tout le temps, par contre. Ouais. Ah, tu me crois maintenant ? Tu me crois maintenant ? Mais c'est... Mais du coup, ça apporte une petite touche un peu rigolote, justement. Oui. Le plus grand qu'on ait enregistré mesura environ 5 mètres, mais dans les égouts, ça n'est pas possible. Même dans un zoo, ils n'atteignent pas cette taille. Il ne mesurait plus que ça. Excusez-moi. Il était énorme. Dites-moi une chose, mademoiselle. Est-ce qu'ils vous appartiennent, ces serpents ? Non, ils appartiennent à l'université. Mais chez moi, j'ai un couple d'une espèce non venimeuse. Il mesurait plus de 5 mètres. Un alligator qui ne ferait que ça mourrait de faim en une semaine. Il n'y a pas de soleil. Ni de lumière. Il y a des liquides toxiques et des gaz. Sans parler de la façon dont il est arrivé là, d'abord. Vous regardez la personne qui l'a vu. Et il était énorme. Vous avez dit qu'il faisait très noir. Peut-être que vous faites une erreur. C'est ça. Merci pour votre aide. Est-ce que je peux l'emprunter ? Si vous voulez. Excusez-moi. Docteur Kendall. Est-ce qu'il serait possible qu'il existe un autre animal dans les égouts et qui pourrait peut-être mesurer cette taille ? Aucun à ma connaissance, chef. Je suis désolée. Merci beaucoup, mademoiselle. Alors, détail rigolo dans une scène dont j'ai pas grand-chose à faire, quand ils sont dans la salle de repos de la police et que t'as les deux, que t'as des flics qui lisent l'article du journaliste Kemp, derrière l'un des flics, il y a une affiche de prévention pour des machines dangereuses, et en fait, la machine, elle a des dents qui ressemblent à un alligator. Je sais pas si t'as fait gaffe. Oui, j'ai vu. Et c'est vrai, encore une scène où ils évoquent l'histoire de son ancien partenaire, et on s'en fout, quoi. Je pense que c'est pour poser qu'il est pas fiable, mais comme ce sera pas... Enfin, qu'il est considéré comme pas fiable, mais comme ce sera pas suffisamment développé, ça prend plus de la place inutile qu'autre chose, qui aurait pu servir pour des scènes plus intéressantes. Exactement. Après, toutes ces scènes qui servent vraiment à rien, c'en est un peu frustrant, quoi. Mm. Alors déjà que le film a une durée standard de 1h30, pour ce genre de production de ces époques-là. C'est rarement interminable, les films d'attaque animale. Donc c'est vrai que quand tu perds du temps sur des trucs comme ça... Enfin, je dis ça jusqu'à ce qu'on récupère des films d'attaque animale indiens qui dureront 3h30, mais... Et heureusement que c'est pas long quand tu vois la qualité de certains qu'on va bouffer. Ah ouais, c'est... Ah bah y en a, y a pas l'argent, hein. Ils ont de quoi faire 1h10 pour que ce soit qualifiable en tant que long métrage, et encore sur 1h10, y a 10 minutes, c'est le générique. Et voilà. Le journaliste Kemp, qui lui a entendu cette histoire d'alligator, et qui surtout a entendu qu'il se passait des trucs dans les égouts, lui il croit que c'est un serial killer, plus ou moins à ce stade-là, c'est sa thèse, mais il décide de descendre dans les égouts, et mal lui en prend, il arrive à prendre des chouettes photos. Ça, on peut pas lui retirer ça. Oui, oui, super. Mais il meurt au passage, quoi. Il aura un Pulitzer posthume. Oui, mais par contre, je trouve sa scène de mort très efficace. Oui. En fait, du coup, il se fait surprendre lui aussi par l'alligator. c'est dans les égouts, donc fatalement, t'es dans l'obscurité. Et vu que lui, il se fait choper dans une espèce de petit boyau, t'es vraiment plongé dans le noir. Et c'est, tu distingues la scène, en fait, à chaque moment où il appuie sur son appareil photo qui déclenche un flash. Parce que du coup, vu qu'il se fait becter à ce moment-là, bon bah, c'est la réaction du corps, en fait. Il prend des photos sans le vouloir, tout simplement. Parce qu'il a le doigt crispé sur son appareil. Et c'est tellement intelligent, et ça rend vraiment bien à l'image. Et, en plus, ça débloque la situation. Puisque quand ils vont retrouver l'appareil photo, ils vont développer, ils vont voir la grosse gueule de l'alligator. Vraiment, c'est une réussite totale, cette scène-là. Oui, oui, oui, elle est vraiment intelligente, même du point de vue écriture, en effet. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc là, c'est bon, ça va, après ça va être progressif, c'est bon, pour l'instant, les gens croient à l'alligator, mais ne croient toujours pas au fait qu'il fasse une taille colossale pour ce balai photo, ne permettent pas non plus d'avoir une bonne échelle oui. de la taille de l'animal. Ce qui, encore une fois, est crédible, effectivement. Ouais. Et donc, toute la ville est au courant assez vite, là où dans certains films, la majorité de la population met une plombe à savoir qu'il y a des attaques, là finalement la ville est au courant. Oui. Et il y a une mission de battue qui est organisée par la police et des militaires dans les égouts, ce qui est plutôt une bonne idée en soi. Oui, avec l'utilisation du bruit, parce qu'effectivement, on nous dit que les alligators n'aiment pas le bruit. Et donc, tu sais, ils sont là, certains ont des gros fusils, les autres sont équipés avec des ustensiles de cuisine et ils tapent dessus pour faire du bruit, pour rabattre en fait l'alligator à la sortie, là où t'as toute une cargaison qui l'attend. Quoi. Ouais. Mais en France, c'est bien foutu, en France ouais. on pourrait pas, vu que Macron veut faire interdire de taper sur des casseroles. Mais alors, je regrette un peu que ce soit pas mieux réalisé, parce que je trouve que ça manque un peu de tension au niveau de la réalisation, tout ce passage. Oui. Mais ça pose bien que Madison travaille pas seul, que là, il essaie d'avoir une équipe. Alors, ça a pas marché, mais c'est pas de sa faute, quoi. L'idée était plutôt intelligente, le plan bien mené, il se référait à un plan. Enfin, il y avait un vrai truc. Si ça rate, c'est pas de sa faute. Oui, c'est pas saugrenu, quoi. Mais, malheureusement, ça rate. Ouais. Et où retrouve-t-on l'alligator ? Bah, dans la rue. Ouais, c'est Alligator in the Hood. Voilà, on est arrivé. Voilà. Il sort... Il fracasse vraiment un trottoir. Il en a plus rien à foutre, quoi. Ah oui, oui, il est devenu bien bourrin. Le bruit, il a un petit peu trop énervé, quoi. Ça a été un peu trop efficace comme plan. Bon, la scène est moyennement efficace, je trouve, après... Ouais, bah la scène fait un peu trop cartoonesque, je trouve. Ouais. Le moment où il émerge, ça fait un peu cartoonesque. L'alligator rend bien, mais c'est surtout le fracassement du bitume, en fait, qui fait toc. Ouais, c'est ça, on aurait peut-être pu trouver d'autres moyens de le faire. Je sais pas comment il aurait pu surgir, peut-être par un endroit en travaux, enfin j'en sais rien. Ils auraient dû le faire débouler dans une Cadillac, comme ça. Wow. Par contre, il y a bien du coup l'idée de l'alligator qui s'élève, c'est plus après qu'on perdra cette idée, je trouve. Oui. Mais là, il y a encore. Et donc, en fait, il surgit de la rue en pétant le bitume, alors que une bande de jeunes fout la merde au milieu de la voie publique, n'est-ce pas, hein? et c'est là qu'il y a une réaction qui m'échappe un peu, c'est qu'il y a un des gamins qui rentre chez lui, il hurle à sa mère, il y a l'alligator. Sa mère l'écoute pas, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un couteau et il sort dans la rue pour poursuivre l'alligator. Là, tu te dis, mais comment ça? Qu'est-ce que tu fais, gamin? Calme-toi. Non, après, c'est un petit gars. Il va pas aller au contact, au final. Non. Il va pas, mais on va dire, c'est un gamin tout jeune. Il veut jouer les héros. Bon. Oui, enfin bon. Pourquoi pas? Entre-temps, l'alligator, il a bouffé un flic. Et j'ai dévoré un flic. Je trouve l'effet pratique plutôt réussi. Oui. L'arrachage de jambes et tout, les effusions d'hémoglobine, c'est plutôt réussi. Alors que là, on voit l'alligator de plein pied, on voit quand même que bon, bah, c'est un costume avec deux gus dedans, mais ça réussit quand même à tromper l'œil, je trouve. À ce moment-là, en tout cas. Oui, là où ça marchera moins, ce sera l'attaque du... La dernière grosse attaque. Je songeais à celle du chasseur d'alligator. Je trouve que celle-là, elle marche pas totalement. Ah, d'accord. On en reparlera. Les effets pratiques sont moins crédibles. Oui, oui, tu sens le plastique. Ouais, voilà, c'est ça. À ce moment-là. Mais je trouve la... On en reverra. On en reparlera. Je trouve que la scène est satisfaisante. Alors, c'est satisfaisant de le voir se faire bouffer. Voilà, mais je la trouve pas extraordinairement bien faite. mais on en reparlera quand viendra le personnage. Ouais. Ça permet là de connaître enfin, d'être enfin certain de la taille de l'alligator, puisqu'il y a de ces empreintes qui sont retrouvées et qu'à partir de la taille de l'empreinte, on déduit la taille de l'animal en entier. Et donc ça confirme bien ce que disait. Ce que disait le gamin. Déjà Madison, et aussi le gamin juste avant qui disait qu'il est plus grand qu'une bagnole. Oui, qui dit il fait la taille d'une grosse voiture. Enfin, il faut rajouter la queue, hein, bien sûr. Oui, voilà. Il y a une séquence qui, moi, je trouve réussie, et je pense que ça fait partie de ces moments où en fait ils ont filmé un petit alligator à côté de maquette de bagnole. Et tu vois le moment où il marche dans la rue, en fait. Oui. Oui, je trouve que ça rend plutôt bien. Là, ouais. Et là, oui, vu la manière dont il bouge, clairement, c'est plus un costume. Là, tu vois que c'est une vraie bestiole qu'ils ont filmée au milieu de maquette. Et donc, ça déclenche un peu plein de trucs dans la ville. Donc, la police tente de jeter des grenades dans le lac pour avoir l'alligator sur un coup de chance. Bon, bah, c'est des policiers, quoi. Oui, voilà, j'ai jamais vu une technique aussi con, quand même. Bon, c'est plus ou moins une gestion de manifestation, hein. Ouais, bah. Oui, enfin bon. Bon, bah, allez, on va balancer des grenades au hasard. À ce moment-là, tu t'attends à voir Homer qui arrive avec avec un gros truc électrique et qui le balance dans l'eau. Oui. L'épisode où il fait de la pêche là. Mais c'est un vrai truc, hein, la pêche à la dynamite en plus. Oui, je sais. Il y a des gens qui font ça pour de vrai quand même. Hein. Oui, mais je sais. Et beaucoup aux États-Unis, c'est quand même un pays fascinant. Oui. Oui. C'est quand même incroyable de se dire que. Ces gens font des trucs très dangereux alors qu'ils n'ont aucune assurance santé. C'est quand même fascinant. Mais c'est à la limite, ils feraient exploser la dynamite sur eux seuls. J'ai envie de dire, bon, bah, si ça les amuse de jouer avec de la dynamite, si c'était que eux qui mettaient en danger, voilà. Oui. Mais le souci, c'est qu'il y a plein d'animaux qui y passent aussi. Voilà, là, c'est tout l'écosystème quoi, voilà. qui est menacé à cause d'eux. Bon, t'as envie de jouer avec de la dynamite, t'as envie de jouer avec de la dynamite, qui suis-je pour juger? On a l'arrivée du colonel Brock, qui est donc un chasseur d'alligators tellement présomptueux qu'on sent direct qu'il va mourir. Oui, on sent que Tig, il aime pas les chasseurs. Ouais, là pour le coup, ouais, le point de vue est pas très positif. Putain, ouais. Ah, vraiment c'est un personnage détestable, mais il était montré comme étant détestable dès le début, quoi. Ouais. C'est vraiment... J'ai pas pensé à aller écouter le cri de l'alligator en rut pour voir s'il l'imite aussi bien qu'il le prétend. Oui, c'est vrai, tout ce passage-là où, du coup, c'est juste pour draguer la journaliste, quoi. Oui. Tout ce truc est vraiment nécessaire. J'ai peur que oui. Savez-vous, vous êtes très jolie. Ah oui, mais nous devons parler des alligators. Oui. Bon, alors les alligators répondent à des sons. Ils se parlent, ils se répondent. Écoutez. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est l'appel de détresse d'un jeune alligator qui vit encore avec sa mère. Est-ce qu'ils ont un cri d'amour? Vous savez, les alligators sont des bêtes très romantiques, mademoiselle. Ça leur prend quand vient le printemps. L'appel du mâle donne à peu près ceci. Et ça suffit pour attirer un autre alligator? Oui. J'espère bien, c'est important. Alors, c'est contextuel, et même dans un contexte donné, mais en tout cas, ne tentez pas dans un bar, quoi. Vous approchez pas personne inconnue. Déjà, globalement, faites pas ça, mais surtout, imitez pas l'alligator en rut pour tenter de dire que vous voulez offrir un verre. Hein, c'est... Enfin, imitez aucun animal en rut, hein, parce que c'est, ouais. Même avec un... Si tu fais le brame du cerf, ça marche pas non plus. Hein. Ouais, c'était le conseil pointeur de 30 millions d'attaques. Après, tu sais pas, peut-être que le mec fait le brame du cerf dans un bar, il sort, il y a un cerf qui l'attend à la sortie. Le mec, il sort avec sa 8-6 en dehors du bar, il y a un cerf qui l'attend, qui dit, tu dragues mes meufs, toi? Tu dragues mes femelles, toi? Bon, on a le cliché du maire qui veut pas que tout ce bazar empêche sa réélection, hein. Oui, le cliché dans la mer. Même... Ouais, mais ce qui est quand même, je trouve, plus crédible, à la rigueur, que... Ah, mais non, vous comprenez, on a une fête nationale qu'on doit tenir à tout prix. On s'en fout si les gens y meurent. Bon. Je trouve ça plus crédible que le mec dise, bon, on va appeler des professionnels de la chasse parce que, bon, vous n'êtes pas à même de le faire, vous êtes que des policiers. Tu vois, il y a au moins quelque chose de logique. Ouais, mais il a quand même l'idée où on ne fait pas passer de trucs de sécurité, on maintient toutes les fêtes, enfin, on maintient tout et on fait surtout en sorte qu'il n'y ait pas de débordement dans la ville. Oui. Et après, ça, c'est plus parce qu'il est pieds et poings liés à cause du propriétaire de l'entreprise de la Borantin. Ouais, après, pieds et poings liés, en soi, c'est parce qu'il a des affaires louches avec lui, quoi. Oui, c'est pas faux. Voilà. Donc, alors si, ce que j'aime bien, qui me fait plutôt rire, c'est tous les souvenirs Alligator qui commencent à être vendus par des vendeurs à la sauvette, oui. Les petits porte-clés Alligator, les conneries du genre, les pins. Oui. Alors, moi, j'y vois une petite tape sur le capitalisme. Oui, oh bah oui. Après, oui. Est-ce que c'est vraiment voulu ou pas, je ne sais pas. C'est pas une tape méchante, mais je pense que c'est un peu voulu sur le fait que dès qu'il y a un événement un peu dramatique, il y a des gens pour capitaliser dessus et pour tenter d'en faire des affaires. Voilà. Avec l'autre connard qui... parler d'anticapitalisme, mais la tape est volontaire, oui. Avec l'autre connard qui, du coup, vend un bébé alligator. Oui, effectivement. Il renvoie à l'intro du film. Madison va retourner chez Slade parce que Kendall l'a un peu plus éclairé sur l'histoire des produits de croissance, des hormones de croissance qui sont visiblement utilisées et qui pourraient justifier la taille de l'alligator. Donc, ouais. Madison essaie de confronter le scientifique, sauf que le scientifique, du coup, en parle à son patron qui contacte le maire et Madison est viré. Oui. Son patron qui, du coup, est son beau-père, le scientifique. Ouais. Son futur beau-père, je crois que c'est pas encore... Le mariage est pas encore fait. Oui, parce que c'est la cérémonie du mariage qu'on assiste à la fin. Ouais, effectivement, ouais. Du coup, Madison est viré, mais il va tout de même voler quelques explosifs dans des scellés très mal surveillés. Hein. C'est... Oui, effectivement. Wow, c'est vraiment... tu poses ça sur une vieille étagère en bois avec une étiquette marquée dynamite x5 et hop. Allez, oh, c'est les années 80. Ouais. On va juste dire ça à côté, ça. Doit y avoir cocaïne 10 kilos, enfin c'est... Se sert qui veut. Et donc Kendall et Madison vont retourner dans les égouts. Oui. Et trouver, ils ne trouvent pas l'alligator, mais ils trouvent sa cache de nourriture avec plein de chiens morts en état quand même un peu avancé de décomposition qui servent de réserve. L'effet est plutôt bien fait là encore, c'est pas mal dégueulasse. Oui. Oui, j'aime bien cet effet. J'aime bien la réaction de l'égoutier. Bon, je vais aller dans un endroit où les alligators se tiennent tranquilles, moi. Oui, en Floride, ils restent dans leur marais. Ouais. Ça, c'est vrai que ça fait partie de ces petites touches d'humour qui fonctionnent pour le coup. L'alligator va faire une nouvelle victime. Oui, un enfant. Ouais. C'est le précédent enfant avec le couteau avait survécu. Celui-là, c'est pas de chance. C'est globalement hors champ, mais c'est quand même très méchant comme séquence, ça, parce que c'est vraiment des gamins qui jouent. Aux pirates et genre ils font le supplice de la planche à l'un des trois, donc ils vont au bord de la piscine, ils montent sur le plongeoir et ils le font sauter, manque de peau, il y avait l'alligator dans la piscine quoi. Oui, ça rend le jeu crédible, mais c'est du coup c'est très humour noir, mais c'est très méchant quoi comme humour. Oui, et ça veut dire que ça fait partie des films d'attaque animale qui sacrifient effectivement un enfant, ce qui est plutôt un des fameux tabous quand même du cinéma même en général. Pas... Oui, voilà, même pas que du film d'attaque animale, du film d'horreur en général. Ouais, ouais, les enfants, y a deux trucs qui ont tendance à être tabous, c'est les enfants et les animaux. Et là, les deux ont pris pour l'instant. Oui. Il y a que les chats où, visiblement, ils sont tranquilles parce que le scientifique en veut pas, donc il n'y a pas de chat qui meurt. Oui, c'est vrai. Le chasseur Brock, lui, il est passé en mode « je recrute des gens dans la rue ». Oh la vache! Et il n'a même pas son équipe. Et puis cette séquence, quoi. Oh là là, comme par hasard, c'est trois Afro-Américains. Ah oui, d'accord. Là, je pense qu'il y a une volonté aussi de montrer que le gars exploite complètement. Les populations pauvres et vise, et en effet, plutôt des non-blancs. Oui, clairement. Quitte à les sacrifier. C'est clairement voulu. Comme si le personnage n'était pas assez détestable comme ça, quoi. Ouais. C'est ça. En fait, c'est un Craven de chez Wish, un peu, Brock. Hein, c'est... c'est ça. Ah là là. Le personnage ultra détestable. Quoi. Ouais. Mais bon, bref, voilà, il embauche des mecs, il les paye 10 balles, 10 dollars de la journée. Waouh, super. Alors peut-être qu'à l'époque, c'était quand même plus impressionnant qu'aujourd'hui. Je pense que même en 1980, inflation de 10 dollars de la journée, bon, c'était quand même une arnaque. Hein. Ça devait pas être énorme non plus. Quoi. Ouais. Pour le coup, sa mort sera en effet très réjouissante, mais je trouve que l'alligator n'est pas crédible sur cette scène-là. Oui, voilà, mais en fait, du coup, c'est le seul souci de la séquence, c'est ça qui est dommage. C'est l'alligator qui, là, vraiment sans le plastique, ouais. Sur cette séquence-là. Parce que sinon, le personnage détestable meurt, on est tous contents, et en plus, il meurt dans les ordures, ce qui le définit bien, et donc c'est parfait. Ouais, et puis le décor est pas mal, pour le coup, les ruelles un oui. peu dégueulasses, le décor est bien. Cette séquence, vraiment, ça renvoie, je trouve, hein, moi, ça m'a rappelé Spielberg qui déteste les avocats et qui fait crever un avocat sur les chiottes dans Jurassic Park, quoi. Là, c'est pareil. Léo Stig, tu vois qu'il aime pas les chasseurs, bah, il en fait mourir un dans les ordures. Voilà, c'est super. Effectivement, le Spielberg déteste les avocats, ce qui le rapproche donc de Neil Breen. Je viens de citer. Ah la vache. Même combat. Alors, il y a quand même un... Issam, fais gaffe à ce que tu dis. Il y a quand même une vraie différence qualitative entre ces deux hommes. Je suis d'accord que Neil Breen est très au-dessus cinématographiquement, mais bon... Il a fait 2-3 trucs pas mal, Spielberg, ça. Quand même, on va pas abuser. Bref. Non mais oui, du coup, c'est très réjouissant de le voir enfin crever. Quoi. Ah oui, lui, c'est probablement la mort la plus réjouissante du film. Hein. Pendant ce temps, Madison et Kendall couchent ensemble. Voilà, leur relation avance. Oui. Puis ils dînent ensemble, où ils apprennent pour Brock. Oui. Et du coup, ils se disputent parce que Madison se comporte comme un connard à ce moment-là. En mode, tu peux pas me comprendre, etc. Ah, c'est une dispute vraiment. Et vu qu'elle est réglée quasiment une scène après, bon, est-ce que ça apportait vraiment quelque chose non, au développement tellement. Des personnages. C'est ça, ça rajoute la scène rigolote avec la mère de Kendall. Oui, voilà, c'est ça. Où elle lui fait la vanne du mauvais œil. Bon, c'est une vanne que ouais. je ferai à la petite plus tard quand elle sera plus grande, je pense que ça marchera bien. Elle est rigolote comme vanne. Le cauchemar qu'il fait de la mort de son collègue, il est aussi très ancré dans son époque. Bah, c'est juste du ralenti, de l'écho et un filtre rouge. Hop. Et un effet de boucle. Oui. Genre qui rappelle un peu le côté en enfer, tu revis éternellement tes pires traumatismes. Ça, cette idée de boucle, à la rigueur, est pas trop mal. C'est tout le reste qui est un peu, bon, un peu vieillot. Déjà à l'époque, en plus. C'est ça. À deux doigts de parler de l'éternel retour de Nietzsche, bon, je pense que c'est quand même un peu cheap. Ok. Bon, calmons-nous, quand même. Les policiers, étant donné que le chasseur s'est fait tuer, ils sont repassés en mode les grenades. Et oui. Bah, là, pour le coup, il y a des... Bah, les grenades explosent, mais les flics avec. Bon, bah, je sais pas, tant mieux. Oui, voilà, c'est ça. Je vais dire, c'est là, vrai que... le danger numéro un, là, pour le moment, c'est l'alligator, mais la police en est un aussi le reste du temps. Donc, bon, on s'est débarrassé d'un risque secondaire, on va dire. Non mais c'est vrai que cette séquence, les mecs provoquent leur mort elles-mêmes. Quoi. Cette séquence-là, on dirait un carambolage dans un taxi. Quoi. Ah oui, non mais dans un film de la série Taxi. Ouais. Et vraiment, ils sont incapables, quoi. Ouais. Bah ils sont policiers. Ouais. Quoi. Après voilà, ça donne lieu à encore une fois un effet visuel sympa avec quand ils repêchent le flic là, qui a les deux jambes en moins, ça ouais. fonctionne. Bah par contre le fait que l'attaque sur cette scène-là soit en partie filmée sous l'eau, ça souligne encore plus que la musique c'est complètement les dents de la mer, mais... Oui. Et là... Et ensuite, assez vite, l'alligator va arriver à la réception de mariage, donc, du beau-fils du scientifique. Ouais. Il veut bouffer un chien, au début. Ouais. À croire que le chien est plus intelligent que l'être humain dans ce film, c'est que le chien, il se barre, direct. Ouais. Il attend pas, hein. C'est logique, ceci dit, qu'il veuille bouffer un chien en premier, puisque ça a été sa nourriture pendant oui, pas mal de temps, c'est vrai. A priori. Dans c'est les vrai, j'avais pas tilté à ce petit détail, c'est vrai. Et là, donc, un gros massacre commence avec l'alligator. Bon, alors, les coups de queue, c'est Godzilla, hein, le machin. C'est, oui. Il y en a un coup de queue, les gens, ils volent à 10 mètres. Bon, bah, le maire sera pas réélu, hein, visiblement. Non, effectivement. C'est râpé. Ça va être compliqué. Ouais. les laborantins ont perdu leur chef, perdu leur patron. Aussi, ouais. C'est dommage que la séquence soit aussi mal filmée et aussi mal montée, l'alligator qui écrabouille la bagnole, parce que ça aurait pu donner lieu visuellement à une scène de mort super impressionnante. Quoi. Ouais. En fait, le personnage, lui, n'est pas bouffé par l'alligator, il est littéralement écrasé par la tôle de la voiture que l'alligator martèle à fond. Donc l'idée est vraiment bonne et vraiment très violente en plus, mais vraiment, pour le coup, c'est ultra mal filmé toute cette séquence. Hein. Bah, je c'est pense des cuts de partout, c'est des gros plans sur la tôle, c'est des plans qui se répètent avec la queue de l'alligator qui fracasse le pare-brise, qui fracasse les portes, les portières. Voilà quoi. Tu sens, dans cette séquence-là, tu sens clairement le manque de moyens du film. Ouais, c'est en fait, c'est ce que j'allais dire. C'est une séquence plutôt ambitieuse. Bah, l'idée est bonne, mais avec le budget qu'ils avaient, c'était un peu compliqué. Ouais, mais voilà. Mais c'est dommage, quoi, parce que vraiment, l'idée est très très bonne. Mais sinon, comme tu le dis, bah, tout le reste de la scène, bah, c'est du grand guignol, quoi. Ils balancent les gens à 10 mètres en leur foutant des grands coups de queue dans la gueule. Bon, il en gobe certains. C'est vraiment n'importe quoi, cette séquence. Oui. Bah, et surtout, encore une fois, comme il y a moyennement le budget, t'as un plan sur la queue de l'alligator qui frappe et un plan sur quelqu'un qui vole façon romain dans Astérix. Oui, c'est ça. Bon, elle a moyennement d'épique, cette scène-là. Je pense que, pour le coup, cette séquence-là était déjà un peu too much à l'époque. Oui. C'est, est-ce qu'il aurait pas fallu rester plus humble sur la fin pour avoir un truc plus crédible À la limite, faire une scène de massacre dans les égouts, quoi. Oui. Je sais pas comment ça aurait été amené. Du coup, il n'y aurait pas eu l'idée de l'ascension sociale de l'alligator. Il aurait fallu trouver quelque chose. Mais comme de toute façon, cette idée se perd un peu à cause du scénario... Oui, voilà. Et puis surtout, après son massacre, bah, il se barre comme si de rien n'était, quoi. Oui. Et pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Il y a nos deux protagonistes qui arrivent sur la scène, du coup. En mode, laissez-nous rentrer. Le portier veut pas, l'autre, il lui sort son flingue. Il dit, bah, tu vas m'ouvrir. J'appelle la police. Bah oui, bah, faites. Oui. C'est très drôle comme échange. Oui, oui. Mais du coup, l'alligator s'est déjà barré et ils vont devoir aller l'affronter dans les égouts. L'avantage, c'est qu'ils savent où il va aller, puisqu'ils savent oui. Où est la réserve de nourriture de l'alligator. Et ils savent que dans ce coin-là, parce qu'ils l'avaient repéré avant, il y a du méthane. Oui. Et donc ça va les aider à buter l'alligator, parce qu'ils vont tout faire péter. Mais malheureusement, c'est ce qui fait que cette dernière séquence est visuellement pas très jolie. Et que bah, y a un effet de fumée un peu dégueulasse sur tout le long de la séquence. Bah, c'est en fait, du moment qu'il y a de la fumée, il faut avoir un travail un peu différent avec la lumière pour dessiner la fumée, pour la sculpter un peu. Et qui n'est pas tellement fait ici. Et comme en plus le montage est pas foufou, en effet la séquence est plutôt plate. Mis à part la toute fin, la sortie de la bouche d'égout, je la trouve efficace. Quand tu le vois sortir au fur et à mesure, et en fait à chaque fois qu'une seconde passe, t'as un gros plan sur le cadran de la bombe, c'est ça que tu veux dire? Ouais, et puis même tout le passage où t'as la voiture qui bloque le chemin, ça amène une bonne tension, je trouve. Oui. Oui, parce que du coup il met la bombe. Il veut partir par une même sortie que là où Kelly, son ancien camarade, est mort. Ouais. Sauf que, et c'est là que ça fait le parallèle, il peut pas sortir parce que bah, t'as une grand-mère en fait qui attend que les éboueurs fassent leur boulot avant de démarrer. Sauf qu'elle s'est garée sur la bouche des coups. Bah, c'est vrai que tout ce moment apporte vraiment une tension vraiment bienvenue quoi, à la séquence. Ouais, elle est bien cette séquence. À noter que ce qu'il utilise comme minuteur pour la bombe, c'est celui du mec qui était venu dans le commissariat plus tôt. Donc c'est aussi à ça que ça sert comme scène. Mais encore une fois, il y aurait eu moyen d'amener ça autrement, tu vois. Oui, bah oui. Un minuteur, c'est donc, pas si dur que ça à fabriquer. Donc finalement, les éboueurs terminent. La vieille se barre. La bouche d'égout est de nouveau disponible. Non, c'est même pas ça en fait. Oui, il se barre, mais c'est Kendall. C'est Kendall, voilà, qui vire la vieille. En fait, elle fait un carjacking avant l'heure, quoi, c'est super. Oui, mais bon, là, il y avait une raison, ça va. Elle monte, elle prend le volant, elle démarre, et comme ça, ça permet à Madison de sortir de la bouche d'égout. Et là, t'as un montage où, dès qu'une seconde passe, t'as un gros plan sur le minuteur de la bombe qui te met vraiment en tension, quoi, avec la musique qui va bien avec. Ouais, c'est classique, mais ça marche bien. Ouais. Puis bah forcément, grosse explosion, effectivement, je suis d'accord avec les Wistig et avec Brian Crampton. L'explosion de l'alligator, elle est pas top. Ouais, bah c'est... Après, là, ils s'attendaient à ce que ça rende mieux, à ce que ça fasse plus de projections. Ils avaient pas vraiment de quoi le refaire 10 fois. Oui, bah voilà, parce que c'est l'époque où les effets, les FX numériques n'existaient pas encore. Enfin, voilà. Donc bah, tu peux pas le refaire 10 000 fois, tu ne peux le faire qu'une seule fois, donc si c'est raté, bah c'est raté. Ouais. Et c'est con parce que par contre, les autres explosions, elles sont réussies. Oui, effectivement, ouais, c'est celle de l'alligator vraiment qui pêche. Les explosions des diverses sorties d'égout, on se doute qu'en fait il y en a eu une ou deux, mais filmées sous des angles différents pour créer l'illusion. Et t'as une bagnole qui explose aussi, je sais pas pourquoi, mais... Bon, c'est toujours voilà. Sympa de faire exploser une bagnole. Elle était garée, puis voilà, elle explose, tu fais bah d'accord, il restait un peu de dynamite... Voilà. Et il me reste 500 grammes de C4, je vous en mets un peu avec. Tu sais, tout film est enrichi par l'explosion d'une voiture. Hein. On peut mettre ça partout, ça passe crème. C'est vrai. L'explosion d'une voiture et la mort d'un policier. Voilà, c'est ça. C'est les deux trucs que tous les films du monde devraient avoir. Allez, je fais une exception pour les huis clos où c'est difficile de mettre une voiture dans un appartement, mais... Vivement le remake de Ben-Hur avec cette nouvelle règle. Bah, tu fais exploser un char, t'adaptes. Ah, oui. C'est pendant la course de char, dès qu'il y en a un qui se crache, il explose. Et puis, dans le char, tu mets un centurion romain, c'est bon, ça fait office de flic. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, bah, tout est bien qui finit bien, l'alligator est mort, et y a le plan final un peu habituel du genre qui montre que la menace reste, mais qui est assez simple, qui est fait assez simplement, où c'est un nouveau bébé, peut-être celui qui était vendu plus tôt dans le film. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Qui est jeté dans les égouts et qui tombe tout bêtement et qui laisse supposer que les gens n'ont rien appris de leurs erreurs et que donc ça va continuer longtemps. Alors c'est classique, mais ça change quand même, parce que d'habitude c'est des œufs tout bêtes qu'on a en conclusion de film. Oui, effectivement, tandis que là c'est effectivement un nouvel alligator qui est jeté. Par des humains, donc il y a vraiment une insistance sur le fait que c'est à nouveau une deuxième erreur humaine qui va mener à tout ça. Ouais. Et le film se termine ainsi. Et donc bilan, effectivement, c'est sympathique. Je trouve qu'il a quand même des défauts un peu importants sur lesquels il est un peu dur de faire l'impasse, mais clairement. C'est un film sympathique. Clairement, mais vraiment, tu ne passes pas un mauvais moment devant, et c'est l'essentiel. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tu as des choses à rajouter dessus, toi ? Bah écoute, je pense qu'on a fait un assez beau tour. Un assez beau tour du propriétaire. On a de quoi se faire des bottes et des sacs à main. Au vu l'état de l'alligator à la fin... oui, c'est vrai que... Nestor, l'alligator, je l'adore. Il m'adore. Nestor, l'alligator, c'est un vrai trésor. Du coup, là, on n'a pas de classement à faire, hein, forcément. Oui, c'est le seul. Ouais. Alors pour l'instant, il est premier et dernier. C'est quand même incroyable. C'est l'alligator de Schrödinger. Oui, donc effectivement, les fois prochaines, on aura le classement à rajouter, qui, comme à l'époque du vidéoclub des premiers épisodes, ira très vite au début, et peu à peu s'enrichira. Mais c'est le seul film, donc c'est tout pour aujourd'hui. Mais il y a quand même le tirage au sort, attention. Oui, il y a le tirage au sort à faire. Ah. Donc j'exagérais un peu tout à l'heure, nous avons pour l'instant même 89 titres dans la liste, mais il y a des grosses sagas qu'on n'a pas encore mis, comme disait Chris, donc on rajoutera au fur et à mesure. Comme c'est un Google Doc, vous n'entendrez pas le bruit du tirage. Vous n'aurez pas cette satisfaction. Voilà, je vais de mon côté tirer un nombre aléatoire, donc entre 2 et 90, parce que le 1 c'est la liste, et Chris me dira à quel film ça correspond. Vas-y. Ce sera le numéro 10. Le numéro 10, alors. Nous allons parler... on va reparler d'Alligator. Ah ouais ? Ouais, on va parler de Crawl d'Alexandre Aja. Ah, d'accord. Un peu un hasard parce qu'on n'a pas tant que ça des alligators en plus. Ah oui, c'est ça. Je crois que c'est même le seul autre qu'on avait. Non, il y en a deux, trois autres quand même. Mais... Ouais, parce que, on a beaucoup de crocodiles. Oui. Parce qu'il y a une distinction entre le crocodile et l'alligator. On a beaucoup de crocodiles, mais oui, l'alligator, on n'en a pas beaucoup. Juste avant le podcast, je m'étais dit, j'espère qu'on ne va pas retirer un truc d'alligator ou qu'on ne va pas tirer trop tôt les dents de la mer. Bim. Ouais, que veux-tu. C'est comme ça, hein, on n'y peut rien. On parlera d'un réalisateur qu'on aime tous les deux bien, par contre. Oui. Tu l'as pas vu en plus, Crawl, encore. Non, Crawl, c'est, je crois, son seul film que je n'ai pas vu. Ah tu vas pouvoir compléter comme ça la filmo d'Aja. Voilà, c'est ça. Donc, ce sera dans un mois, Crawl d'Alexandre Aja, puisque dans deux semaines, ce sera un vidéoclub de Castle Rock qui s'est consacré, cette fois, à Dolores Claiborne, le roman de 92, je crois. Et le film de Taylor Hackford avec Kathy Bates dans le rôle principal. Oui, je ne te répondais pas parce que je vérifiais. Oui, c'est bien 92. D'accord. Dolores Claiborne, le roman. Très bien, j'espère que ce nouveau projet d'émission vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours puisque c'est un premier épisode. On est bien sûr particulièrement à l'écoute de vos conseils, etc. Comme on l'a dit, on va mettre la liste en accès pour que vous puissiez nous suggérer des films à ajouter. N'hésitez pas à nous suggérer des titres un peu étranges. Si vous avez une hésitation sur est-ce que ça rentre dans la liste ou non, au pire, mettez-le. On en jugera de notre côté. Oui. N'hésitez pas à indiquer, si vous rajoutez dans la liste, n'hésitez pas à indiquer votre nom. Oui, enfin, effectivement. On vous fait un petit coucou si on tombe dessus. Votre pseudo, en effet. Où est-ce qu'on peut se retrouver en attendant ? Alors, sur Blue Sky, @cinémarchandise pour toi, @Chris, The Last Days pour moi. Ouais. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Letterboxd. Pourquoi pas nous suivre, parce qu'on met des critiques régulièrement. Sur YouTube, pour moi, où je fais des vidéos, là, faut que j'en prépare des nouvelles, consacrées principalement au cinéma asiatique. Donc, j'espère que tout ça vous plaira. Mais du coup, vous pouvez aussi nous retrouver dans le Vidéoclub de Castle Rock, une émission consacrée aux adaptations à l'écran des œuvres de Stephen King. Ouais, voilà, c'est ça. Qui en est à un paquet d'épisodes, hein, qui en est à pas mal plus de 100 épisodes maintenant. Donc, ah oui, c'est chouette. Oui, oui. Bonne écoute pour tout ça. Et en attendant, on n'a pas de formule pour la fin, t'en as prévu? Non, non, j'ai rien prévu. Ah, tant pis, tu chercheras pour la prochaine fois. Bah, en attendant, bah, je sais pas. En attendant. Prenez soin de vos animaux. Oui, voilà, prenez soin de vos animaux et n'achetez pas d'alligator. Non, c'est vrai, attention, ça mord. À très bientôt. Salut.